courage de rester enfermé quand le printemps montre son aile. Ce serait dommage d'être aussi sage quand le vent parfumé chante partout la joie d'aimer. Voilà longtemps qu'un grand poète a dit qu'à présent les roses de la vie, si tu attends, tant pis pour toi, un jour tu le regretteras. Ce serait dommage, oui bien dommage, de laisser tout passer sans essayer d'en profiter. Et si ton cœur soudain s'emplit de joie, ou que des pleurs troublent tes yeux parfois, surtout, surtout, ne t'en plaigne pas, c'est l'amour qui s'éveille en toi. Ce serait dommage, oui bien dommage, oui, dépêche-toi, de ne pas profiter du peu de temps qui t'est donné. Sors de ta cage.